Chapitre 2e, Millicent. Millicent Duke était seule dans son petit salon. Il faisait grand vent. La tempête hurlait et faisait rage contre les fenêtres. Madame Duke essayait de lire le dernier roman de M. Richardson. C'était un joli volume bien relié et embelli de petites gravures ovales que la femme du curé de Compton des Bruyères lui avait prêté. Mais elle ne pouvait pas lire. Le livre lui échappait à chaque instant des mains. Et assise près du feu, elle paraissait réfléchir profondément, tout en écoutant le bruit du vent qui grondait dans la cheminée. Regardons Madame Duke assise près de son feu solitaire. Sa main blanche soutenait sa petite tête, et son coude s'appuyait sur le bras du fauteuil où elle était presque blottie. La lueur du feu voltigeait par intervalles sur son joli visage qui était celui d'une jeune fille. Tantôt les flammes coloraient ses joues d'une douce rougeur, tantôt elle les laissait dans l'ombre quand le feu montait ou que les cendres rouges s'éteignaient dans le foyer. Oui, c'était un frais et joli visage, aux traits délicats et aux doux yeux bleu foncé. Il y avait dans ses yeux une mélancolie pleine de douceur, une tristesse semblable à celle qui serait causée par des larmes depuis longtemps séchées, mais non oubliées. Il y avait aussi des lignes pensives autour de sa bouche qui n'annonçaient pas une jeunesse entièrement heureuse. Hélas, la tristesse et Millicent se sont rencontrées face à face, et cette nuit n'est pas la première où elles aient été compagnes et reposées sur le même oreiller. Malgré cette mélancolique rêverie qui met des ombres sur sa beauté, Millicent est une très jolie fille, ou peut-être est-ce cette tristesse même qui augmente sa beauté. Est-ce vraiment une femme mariée qui a gardé cette timidité de jeune fille, une timidité presque enfantine, comme dit son mari? Ce mari, dans ses meilleurs jours, n'est jamais ni trop aimant ni trop tendre. Il dit qu'il est aussi difficile de savoir s'y prendre avec Millicent qu'avec un petit enfant, car elle est toujours prête à se plaindre comme une enfant gâtée qu'elle est. Il y a des personnes à Compton des Bruyères qui se souviennent du temps où cet enfant gâté ne se plaignait jamais. Elle se rappelle le temps où un rayon de soleil de printemps tombant sur la route était à peine plus brillant que le sourire de Millicent Markham. Mais ce temps, c'était le bon vieux temps passé, quand son père, le seigneur du pays, vivait encore, et quand elle se promenait sur un petit cheval blanc dans la campagne avec son cousin Darrell Markham. Ce soir, elle est particulièrement triste. La plainte aiguë du vent qui siffle autour de la fenêtre treillissée la fait frissonner jusqu'au cœur. Elle ramène la pèlerine de sa robe de soie grise sur ses épaules. Elle traîne le lourd fauteuil plus près encore du foyer. Depuis longtemps, elle a envoyé coucher sa domestique, grande paysanne bien découplée. Elle ne peut donc plus demander de bois pour entasser dans la grande cheminée. Les bougies se sont presque consumées dans les vieux flambeaux d'argent. 10 heures, 11 heures, minuit, ont sonné à la tour de l'église de Compton, et le capitaine Duke n'est pas rentré. « Il est plus heureux avec eux qu'avec moi », se disait Millicent tristement. « Qui peut s'étonner de cela? Ils le font rire, et moi je ne puis que le fatiguer, l'ennuyer avec mon visage pâle. » En parlant, elle leva les yeux vers le miroir ovale fixé à la boiserie devant elle. Elle y vit cette pâle et mélancolique figure réfléchie par la lueur vacillante du feu et des bougies près de s'éteindre. Et autrefois on disait que j'étais une jolie fille. « Je crois qu'à présent il me reconnaîtrait à peine, » dit-elle avec un soupir. Après minuit, le temps se traîna plus lentement encore. Au moment où une heure sonna d'un son vibrant et lugubre dans la rue solitaire, elle entendit le pas de son mari sur le trottoir. Elle s'élança vivement de son fauteuil et courut dans l'étroit vestibule. Mais comme elle allait retirer les verrous, elle s'arrêta soudain et posa la main sur son cœur. « Qu'ai-je donc ce soir? Qu'ai-je donc ? » murmura-t-elle. « Je sens que quelque grand malheur va m'arriver. Cependant, quel malheur peut encore m'atteindre ?» Son mari frappa avec la poignée de son sabre tandis qu'il tirait les verrous. « Est-ce que vous écoutiez à la porte, Millicent, que vous l'avez ouverte si vite ?» demanda-t-il en entrant. « J'ai entendu votre pas dans la rue, George, et je me suis hâté de vous faire entrer. Vous venez bien tard ?» ajouta-t-elle tandis qu'il marchait à grands pas dans le parloir et se jetait dans un fauteuil. « Oh, oh, encore un reproche, sans doute » dit-il, riant d'un rire moqueur. « Certes, je ne manque pas de raison pour me retenir chez moi. Une femme larmoyante et un mauvais feu. » Il lui tourna le dos et se pencha au-dessus du foyer, se chauffant les mains au-dessus de la flamme. Elle s'assit devant la table d'acajou, et prenant le roman de Richardson, qu'elle avait mis de côté, Elle fit semblant de lire à la faible et dernière lueur des deux bougies. « Vraiment ?» dit-il sans même se tourner vers elle pour la regarder, sans changer d'attitude et sans l'appeler seulement par son nom. « Il y a eu un accident près d'ici ce soir. Un accident. » Elle laissa tomber son livre et leva ses beaux yeux avec une vague expression d'alarme. « Un accident ? J'en suis fâché, mais quel accident ?» Il n'y avait point que l'accent d'une douce compassion dans sa voix. On sentait toujours un peu d'embarras dans ses manières, comme si elle eût été sans cesse préoccupée de quelque triste pensée, et qu'elle parlât sans songer à ce qu'elle disait. Comme il n'avait pas répondu à sa première question, elle lui demanda « Quel accident, George ? Un homme a été presque tué par des brigands sur les bruyères de Compton. « Mais pas tué tout à fait, George, pas tué » demanda-t-elle avec anxiété, toujours du même ton à moitié discret, comme si, en dépit d'elle-même, elle ne pouvait fixer tout à fait son esprit sur le sujet dont son mari lui parlait. « Ne vous ai-je pas dit qu'il a été presque tué ? » répéta le capitaine. « À la vérité, on ne sait s'il vivra ou s'il mourra. C'est un beau garçon, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, un beau garçon, le pauvre diable. « J'en suis très fâché, » dit-elle doucement. Et comme son mari ne quittait pas son siège près du feu, elle prit encore une fois son livre. Son mari se retourna et la regarda tandis qu'elle était penchée sous la lumière. Et après l'avoir contemplée pendant quelques instants, avec une expression de colère mal étouffée, il dit en riant dédaigneusement « Que le ciel nous préserve de ces femmes qui ne font rien que lire des romans !» La mort d'un de leurs semblables leur est bien indifférente, pourvu que Clarisse soit raccommodée avec son amant et que la vertu de Pamela sera récompensée dans le 6e volume. Quelle créature tendre et compatissante. Elle pleure sur Charles Grandison, et elle ne me demande pas même, quitte à présent entre la vie et la mort, dans la chambre bleue à l'ours noir. Elle le regarda, glacée de crainte. Elle était pourtant habituée à entendre des injures et accoutumée à les parer par des excuses. « Je vous demande pardon, George, » dit-elle. « Je vous assure que je ne suis pas insensible. Je suis très fâchée pour ce pauvre homme blessé. » Et à moitié mort, quel qu'il soit. Si je pouvais faire quelque chose pour le servir ou pour le soulager, je le ferais, n'importe à quel prix. Que puis-je vous dire de plus, George ? Et on parle de la curiosité des femmes, s'écria-t-il avec dédain. Vous ne me demandez même pas quel est l'homme blessé. Si, je vous le demande, George, pauvre créature, qui est-ce ? Il y eut une pause de quelques minutes. Elle s'est élevée et se tenait près de la table, essayant de raviver la bougie. Le capitaine regarda en face la pâle figure de sa femme et il dit, lentement et distinctement, « C'est votre cousin Germain, Darrell Markham. » Millicent jeta un faible cri. Folle, éperdue, elle leva ses deux petites mains blanches au-dessus de sa tête. Elle demeura quelques minutes dans cette attitude, calme en apparence et muette, puis elle se glissa doucement le long de la table. Son mari l'observait en ricanant. Des éclairs de fureur brillaient en même temps dans ses yeux. « Darrell ? Mon cousin Darrell est mort ? » s'écria-t-elle. « Il n'est pas mort, Millicent. Le mal n'est pas si grand que vous le pensez. Votre cher cousin, si blond et si joli, n'est pas mort, ma douce et chère femme. Il se meurt seulement. » « Il est couché dans la chambre bleue de l'ours noir. » Elle répéta ces mots qu'il avait dit quelques minutes auparavant. Elle les répéta comme une insensée. « Il repose dans la chambre bleue de l'ours noir, oui. Dans la chambre bleue, numéro 4, dans le grand corridor. » « Vous connaissez très bien la chambre, n'est-ce pas ? Vous y avez été souvent voir la vieille femme de charge de votre père, cette veuve du marin et actuellement la femme de l'aubergiste. « Il est entre la vie et la mort ? » dit-elle du même son de voix compatissant. « Oui, il y était tout à l'heure. Dieu seul sait comment il peut être à présent. Il y a une demi-heure que je ne l'ai vu. La chance peut avoir tourné pendant ce temps-là et il est peut-être mort. » Comme il disait ce dernier mot, elle s'élança de sa chaise, et sans même le regarder, elle courut à la hâte vers la porte de la rue. Elle avait déjà mis la main sur les verrous, lorsqu'elle s'écria d'un ton de terrible angoisse. « Oh non, non !» Elle tomba à genoux, et elle appuya sa tête contre la serrure de la porte. Le capitaine du vautour suivait des yeux tous ses mouvements, et au moment où elle tomba à genoux, il lui dit « Tu allais courir à lui ?» Pour la première fois, depuis qu'il avait prononcé le nom de Darrell Markham, elle regarda son mari. Sans tristesse, mais sans crainte. Non, avec un regard brillant et plein de défis qu'elle lui lança de loin. « Oui, » dit-elle. « Pourquoi n'y vas-tu pas, alors ? Tu vois que je ne suis pas cruelle. Oh, je ne te retiens pas. Tu es libre, va. Veux-tu que je t'ouvre la porte ? » Elle se remit sur ses pieds avec effort, s'appuyant toujours contre la porte. « Non, lui dit-elle, je ne veux pas aller le voir. Je ne peux rien faire pour lui. Je ne pourrais que l'agiter. Peut-être cela le tuerait. » Le capitaine se mordit les lèvres et toute expression souriante s'évanouit de ses grands yeux. « Mais sachez-le bien, George Duke, reprit Millicent, que ce n'est pas la peur que vous m'inspirez qui m'empêche d'aller là-bas. Ce n'est ni la crainte de vos cruelles paroles, ni de vos regards plus cruels encore qui m'empêchent d'aller le voir, lui. Si ma présence pouvait lui épargner une douleur, si je pouvais, par mon affection, lui donner un moment de paix et de soulagement, et que la ville de Compton fût une mer de feu, je la traverserais sans frayeur. » « Le joli discours! Dans quel roman l'avez-vous trouvé ? » s'écria le capitaine. « Mais je n'ai pas grande confiance dans ces belles paroles. Peut-être ai-je de bonnes raisons pour m'en méfier. Je me figure que si Darrell Markham demandait à vous voir à son dernier soupir, vous iriez surtout parce que Compton n'est pas une mer de feu. » En même temps, il se levait. Elle s'élança vers lui et elle saisit son bras entre ses deux petites mains par une étreinte convulsive. « Darrell a-t-il demandé à me voir ? » s'écria-t-elle avec passion. « Darrell a-t-il demandé à me voir ? Oh, George ! Sur votre honneur de gentleman, de marin, de serviteur de sa gracieuse majesté, par votre espoir au ciel, par votre confiance en Dieu, dites-moi s'il a demandé à me voir. » Il lui fit attendre sa réponse pendant qu'il allumait lentement son bougeoir à la petite flamme qui brûlait encore dans un des flambeaux. « Ce n'est pas à moi de vous le dire, » fit-il. « Je ne veux pas servir de messager entre vous et lui. Bonsoir. » Et passant devant elle, il monta lentement l'escalier. « Si vous voulez veiller, faites-le, » dit-il. « Ce n'est pas moi qui vous en empêcherai. 2 heures vont sonner. Pour moi, je suis fatigué. Bonsoir. » Il monta l'escalier, et il entra dans une petite chambre à coucher située au-dessus du parloir. Elle était bien, mais simplement meublée, et la propreté la plus exquise y régnait. Un bon feu brûlait dans le foyer, mais quoique le capitaine frissonnât de tout son corps, ce fut vers la fenêtre qu'il se dirigea. Il l'ouvrit doucement, et se pencha dehors juste au moment où 2 heures sonnaient. « C'est comme je l'avais pensé, » murmura-t-il, en entendant le bruit des verrous qu'on tirait et le craquement de la porte. « Pardieu, je savais bien qu'elle irait le voir. » Le faible bruit d'un pas léger et rapide rompit à peine le silence de la rue déserte. « Et la moindre émotion peut lui être fatale, » dit le capitaine du Vautour en fermant la fenêtre. Darrell était couché dans la chambre bleue de l'ours noir. Il était plongé dans une complète torpeur. Monsieur Jordan, le médecin, avait déclaré que si son bras cassé devait jamais être remis, ce ne serait pas avant quelques jours que l'opération pourrait être tentée. En attendant, Sarah avait reçu l'ordre de baigner constamment le bras du malade avec une lotion rafraîchissante. Si le jeune homme retrouvait quelque connaissance, la bonne hôtesse de l'ours noir ne devait en aucune manière le déranger par ses questions ni par ses doléances. Elle ne devait admettre personne que le médecin dans sa chambre. Madame Packer se voua avec la meilleure volonté du monde à ses devoirs de garde malade. Elle fit seulement l'observation suivante. « Je voudrais bien voir l'individu mâle ou femelle qui se permettrait d'approcher de lui pour l'ennuyer ou le chagriner. Quand même ce serait le pasteur de la paroisse, » dit-elle avec détermination. Il ne faudrait pas que celui-ci fît grand cas de ses yeux, s'il essayait de surprendre Sarah Packer. Une fois pour toutes, il ne faut pas que personne s'approche de lui, » ajouta Madame Packer en se tournant du côté du grand escalier vers les domestiques qui se pressaient autour d'elle quand elle sortit de la chambre du malade, avide d'avoir des nouvelles de Darrell Markham. « Quant à toi, » continua-t-elle avec un redoublement de sévérité en s'adressant à son maître et seigneur le bon Samuel, « je ne veux pas que tu viennes le fatiguer avec tes questions perpétuelles. Ne va-t-il pas mieux ? Crois-tu qu'il se rétablira ? Et autre sornette. Quand le bras d'un jeune gentleman a été cassé, et quand ce pauvre jeune gentleman est demeuré étendu comme s'il était mort, sur une lande solitaire par une froide nuit d'octobre, il ne peut pas se remettre de tout cela en 20 minutes. Donc, tout ce que vous avez à faire ici, vous autres, c'est de retourner à la cuisine et d'y rester tranquille jusqu'à ce qu'on ait besoin de vous. Monsieur Darrell aura tout ce dont il aura besoin. Oui, s'il désirait la couronne d'or et le sceptre du roi, il faudrait bien qu'un de vous allât les chercher à Londres. » Ayant ainsi déclaré sa volonté suprême, Madame Packer remonta l'escalier et rentra dans la chambre du malade. Si la même personne pouvait être à la fois en 2 endroits différents. murmura le digne hôtelier en se retirant dans les offices de l'auberge. Je pourrais très facilement me rendre compte de toute cette aventure. Mais comme il ne pouvait pas être en même temps ici et là-bas, puisque le pasteur dit que cela est impossible, ah, ma tête se perd, je ne peux rien y comprendre. » Et Pecker s'assit sur un banc devant le feu et commença de se gratter la tête. « Après tout, dit-il, puisque M. Markham est blessé, il n'est pas probable que ma femme redescende. Et je crois que je puis bien me permettre de prendre ici un gobelet de la bière à 4 pence. » 2h30 après minuit sonnait à la pendule de l'escalier juste au moment où l'aubergiste alla chercher ce gobelet de bière. Il s'arrêta dans le vestibule. On frappait de faibles coups à la grande porte en chêne qui était fermée et barrée pour la nuit, puisque le médecin s'était décidé à rester avec le malade jusqu'au lendemain. Samuel, le poltron, laissa échapper sa bougie. « Ce sont des revenants, sans doute, » murmura-t-il. « Compton n'en est-il pas tout plein ?» On frappa encore, cette fois un peu plus rudement. « Ils frappent bien fort pour des fantômes, » dit Samuel, « et ils sont assez entêtés. » Les coups redoublèrent. « Oh, oh, alors il faut que j'ouvre, » murmura Pecker en gémissant. « Mais à quoi bon retirer les verrous, sans doute il n'y a la personne de visible ?» Cependant, c'était bien une âme vivante qui frappait. Lorsque Samuel eut ouvert doucement, avec beaucoup de précautions et bien des soupirs étouffés, une femme se glissa par l'étroite ouverture de la porte. Elle traversa le vestibule et se dirigea vers la chambre où reposait Darrell Markham. La peur qu'avait su lui inspirer sa gigantesque épouse s'empara furieusement de l'âme de l'aubergiste. Il s'élança avec une agilité de panthère et au pied de l'escalier, il arrêta la visiteuse. « Il ne faut pas, madame, lui dit-il. Il ne faut pas, excusez-moi, mais il y va de ma vie. Et je ne puis vous laisser monter, madame, ni vous, ni personne, pas même le pasteur. Oui, madame Sarah me l'a défendu, Sarah. » La visiteuse laissa tomber le grand capuchon gris qui enveloppait son visage. « Ne me reconnaissez-vous pas, monsieur Pecker ? » dit-elle. « C'est moi, Millicent. Millicent Duke. »« C'est vous, mademoiselle Millicent ? Vous, madame Duke ? Oh, mademoiselle, oh, madame, votre cher cousin, monsieur Pecker, pour l'amour de Dieu. Ne m'empêchez pas de monter, ôtez-vous de là, » s'écria-t-elle avec passion. « Darrell peut mourir pendant que vous me retenez. »« Mais, madame, vous ne pouvez aller le voir. Le médecin, madame. » « Et Sarah, mademoiselle Millicent, Sarah est terrible sur ce sujet, madame. »« Laissez-moi passer, » lui dit-elle. « J'ai dit qu'un incendie ne m'arrêterait pas, ôtez-vous de là. »« Non, madame, Sarah. » Millicent étendit ses deux mains blanches et fines et poussa le propriétaire de l'ours noir avec tant de force qu'il glissa le long d'un balustrade en chêne. Elle monta en courant l'escalier qui conduisait à la porte de la chambre bleue. Sur le seuil, elle se trouva face à face avec Sarah. La jeune femme tomba à genoux. Ses cheveux blonds se répandirent épars sur ses épaules. Son long manteau traînait sur le parquet de chêne. « Sarah, Sarah, ma chère Sarah, laisse-moi le voir. »« pas vous, ni personne, » dit l'hôtesse d'un air sévère. « Vous êtes la dernière personne qu'il doit voir, madame George Duke. » Ce nom la frappa comme un coup de massue. Elle eut un long frémissement. « laisse-moi le voir, » dit-elle. « Moi, l'unique enfant du frère de son père, sa cousine Germaine, la compagne de ses jeux, son amie, sa chère et aimante amie, sa... »« Celle qui aurait dû être sa femme, madame Duke, » interrompit l'hôtesse. « Qui aurait dû être sa femme et qui jamais, jamais n'aurait dû être à un autre, qui aurait dû être sa femme heureuse, aimante et fidèle. Laisse-moi le voir !» s'écria-t-elle en levant ses deux mains jointes vers madame Pecker. « Le médecin est là. Voulez-vous qu'il vous entende, madame Duke ? Quand tout le monde m'entendrait, je ne cesserai pas de te demander ce que je te demande. » L'hôtesse tenait une bougie à la main. En voyant le visage défait de Millicent et ses yeux pleins de larmes, l'hôtesse sentit que le cœur lui manquait. « Madame Millicent, le médecin a défendu que personne l'approchât ou lui parlât. Il ne faut pas qu'on l'agite. Croyez-vous que votre vue ne le troublerait pas ? Mais il l'a demandé à me voir, Sarah. Il a parlé de moi. Quand donc, mademoiselle Millicent ? » Sarah était déjà trop attendrie pour appeler encore la fille de son maître défunt par son nouveau nom de Madame Duke. « Quand aurait-il parlé de vous, mademoiselle Millicent ? Ce soir, Sarah. M. Darrell l'a demandé à vous voir. Qui vous a dit cela ? Le capitaine Duke. » M. Darrell n'a pas ouvert la bouche 10 fois ce soir, mademoiselle Millicent, et ce qu'il a dit n'avait aucun sens. Il n'a pas une seule fois prononcé votre nom. mais mon mari m'a assuré. C'est donc le capitaine qui vous a envoyé ici? Non, non, il m'a dit seulement. C'est-à-dire, il m'a fait comprendre que Darrell avait demandé à me voir. Votre mari est un singulier homme, mademoiselle Millicent. Laissez-moi entrer dans cette chambre, Sarah. Laisse-moi seulement voir Darrell. Je ne lui dirai pas un seul mot, je retiendrai même mon haleine. Seulement, laisse-moi le voir. Madame Pecker entra dans la chambre bleue et parla tout bas à l'oreille du médecin. Millicent était toujours à genoux sur le seuil de la porte à moitié ouverte. Ses yeux essayaient de percer la muraille de chêne épais qui la séparait du pauvre blessé. L'hôtesse revint. « Si vous voulez voir un cadavre, mademoiselle Millicent, vous pouvez entrer. Darrell est couché absolument comme un mort. » Elle prit la jeune femme dans ses bras et la porta dans la chambre. Là, vis-à-vis d'un feu flamboyant, Darrell gisait sans connaissance sur un lit à colonnes entouré de lourdes draperies. Sa tête roulait sur l'oreiller. Ses cheveux blonds étaient tout mouillés de la lotion avec laquelle Madame Pecker lui avait baigné le crâne. Millicent chancela, et tombant dans un fauteuil que Sarah avait occupé avant elle, elle prit la main de Darrell dans les siennes et la pressa sur ses lèvres tremblantes. Il y eut sans doute quelque chose de magique dans cette douce pression, car le jeune homme ouvrit les yeux pour la première fois. Il regarda sa cousine. « Millicent, » dit-il sans aucun signe de surprise. « Chère Millicent, que c'est bien à vous de me soigner. » Elle l'avait soigné 3 ans auparavant dans une maladie dangereuse. Dans son délire, il mêlait le présent avec le passé, s'imaginant qu'il était encore dans sa vieille chambre au manoir de Compton et que sa cousine avait veillé à côté de son lit. « Appelez mon oncle, » dit-il. « Appelez mon oncle, je veux le voir. » Puis après une pause, il murmura en regardant autour de lui. « Mais certainement cette chambre n'est pas la vieille chambre. Quelqu'un l'aura sans doute changée. » « Darrell. Mon cher monsieur Darrell, » s'écria l'hôtesse, « ne savez-vous pas où vous êtes? Avec de vrais et fidèles amis. Ne savez-vous pas cela, mon cher enfant? » « Oui, oui, je sais, je le sais. Je suis resté longtemps étendu sur la terre humide et mon bras est blessé, je m'en souviens, Sally. Je m'en souviens. Je me sens quelque chose d'étrange dans la tête. Regardez ici, monsieur Darrell. Voici madame Duke, qui est venue de l'autre extrémité de Compton par cette nuit si froide et si orageuse, tout exprès pour vous voir. » La bonne femme disait cela pour soulager le malade. Mais ce nom rappela au jeune homme le mariage de sa cousine et il s'écria « Madame Duke, oui, je m'en souviens aussi. » Puis, tournant sa tête fatiguée sur l'oreiller, il reprit avec énergie « Madame Duke, Millicent Duke, venez-vous ici pour me tourmenter ?» Puis un bruit de pas qui montait à la hâte. Madame Pecker courut à la porte, mais avant qu'elle y fût arrivée, la porte fut rejetée avec violence par le capitaine du Vautour qui entint brusquement dans la chambre. Il était suivi de près par le médecin qui alla se placer devant le lit en s'écriant « Je déclare, capitaine Duke, que si quelque mal résulte de votre imprudence, je vous en rendrai responsable. » Le capitaine ne prit point garde à cette observation. Il se tourna vers sa femme. « Qu'en plaira-t-il à madame Duke, dit-il d'un air farouche, de retourner chez elle avec moi? Il est près de 4 heures du matin, et la chambre d'un jeune homme même malade est un endroit peu convenable pour une jeune femme à une heure si avancée. » Darrell s'est élevé sur son lit. « Je vous dis que c'est l'homme, Millicent. « Sarah, regardez, c'est l'assassin qui m'a arrêté dans la bruyère de Compton, qui m'a blessé au bras et qui m'a volé ma bourse. »« Darrell, Darrell !» s'écria Millicent. « Vous ne savez pas ce que vous dites, cet homme est mon mari. »« Votre mari? Un brigand? Un... » Il retomba sans connaissance sur l'oreiller. « Capitaine George Duke, » dit le chirurgien, « si cet homme meurt, vous l'aurez tué. »